que je peux t'aimer, est-ce que je peux t'aimer des fois? Des fois je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te jurer. Si jamais tu partais, partais et me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait, comme joli mot d'amour et comme il le disait. Mais il ne s'est pas tué, car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté sans dire un mot. Pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. C'est fou, ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'amourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui les redis avec autant d'amour. Un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots, il y en a tant, il y en a trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te jurer. Si jamais, la la la, la la la la la. La la la la la, c'est sûr que la la la la la la la la la, mon amour, au fond ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis ces mots d'amour, qu'à chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots. Des mots d'amour. Mais c'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois. Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Duh.